On the rocks, même à l'envers. On the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30. Et oui, j'ai une pêche ce soir dans The Rocks, waouh, waouh, comme je l'ai dit dans le générique. Puisque ce soir, ça va être une émission très spéciale, entièrement consacrée à un artiste que je suis, que j'aime et que j'admire depuis des années et des années, depuis, allez, 30 ans. Cet artiste fait rare en interview, cet artiste fait figure pour moi d'une des légendes du rock hexagonal, et je suis très très heureux de l'avoir eu à mes micros il y a quelques jours de cela lors d'un concert de son groupe actuel à Blois. On en reparle un peu plus tard, mais on va d'abord se passer une musique pour vous montrer à qui vous avez affaire. Si vous connaissez déjà cet artiste, vous allez saliver d'avance puisqu'il est vraiment rare en interview. Et là, il n'a pas fait semblant et je le remercie de m'avoir livré ce long entretien. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous envie car vous allez ouvrir aujourd'hui une porte rock'n'roll que vous ne refermerez plus. Ce soir, plus. Avec le L, c'est mieux. Ce soir, dans The Rocks, c'est une émission entièrement consacrée à la carrière de Frandol. Et François 1er et Frandol avec Manu sur On The Rocks. Yeah. pour ceux qui, comme moi, aiment le rock et aiment le rock hexagonal quand il est bon. Si je vous dis Frandol, vous faites déjà des petits bons. Et si ça ne vous dit rien, bah, je pourrais vous dire que ce monsieur Frandol s'appelle en fait François Pandolfi, qu'il a 58 ans, qu'il vient d'Evreux, qu'il a créé son premier groupe de rock. Il sortait de l'adolescence. Le groupe s'appelait les Roadrunners. C'est que ce fut un des meilleurs groupes de rock français, à la fois discographiquement et surtout scéniquement, qui ont embrasé les scènes pendant des années et des années à la fin du siècle dernier. Qu'il est né à Évreux, certes, enfin qu'il est né, qu'il a artistiquement né à Évreux, mais qu'il a demandé l'asile mélodique au Havre, la ville dont il est un plus fier représentant, avec Little Bob et quelques autres. Qu'il a créé donc ensuite un groupe qui s'appelait The Kitchen Men, qu'il a fait deux albums solo en français, qui a pris un peu tout le monde à contre-pied, quoique le dernier album des Roadrunners avait aussi des bien belles pages en français. Et puis là, qu'il vient de créer un super groupe, on pourrait appeler ça comme ça, qui s'appelle les François Ier, qui n'ont pas livré d'album encore, mais qui ont livré quelques singles, dont le Don't Put Me On, qu'on vient d'écouter à l'instant, où ils partagent le micro, les compos, les reprises et la tête d'affiche avec un autre François, d'où le nom les François Ier, François Lebas, autre légende du rock'n'roll, puisque c'était le leader d'un groupe éphémère, mais ô combien charismatique, qui s'appelait Fixed Up, qui livrait une power pop à tendance punk qui était vraiment réjouissante, avec Laurie à la batterie, qui est le spécialiste mondial du rock havrais. Et bien tout ça donne un super groupe qui est passé par Blois il y a quelques temps, et c'était l'occasion pour moi d'interviewer ce grand grand monsieur qu'est Frandol. Je sais qu'il n'aime pas du tout les interviews. J'avais dit à Christophe Arondo, le grand Christophe Arondo, voilà, tu vois, si tu sens qu'il le sent pas, ben moi ça me va pas non plus, faut que tout le monde soit content. Ben, je crois que tout le monde était content à la sortie, et j'espère que vous serez content à la sortie de cette émission, puisqu'on va se replonger bien sûr dans la carrière des Roadrunners, bien sûr dans la carrière solo de Frandol, mais également dans cette super carrière actuelle des François Ier, que je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir sur scène. C'est parti, l'émission va durer un peu longtemps, donc je me tais et je passe à l'interview de Frandol. C'est parti, et ça me fait vraiment du bien. Voilà, ça fait bien longtemps que je t'écoute, que je te suis, que j'aime ta musique, donc je suis très content de faire l'interview ce soir. T'es pas tout seul sur scène, t'es avec les François Ier, et l'autre monarque, c'est François Lebas des Fixed Up, que j'ai beaucoup écouté aussi. Qui est le plus nerveux du groupe avant de monter sur scène ? Ça doit être moi quand même. François, il est égal à lui-même, toujours impassible. Non, moi j'ai toujours eu le trac, moi, depuis toujours. Un peu moins maintenant quand même avec la bouteille, mais... il y a toujours un petit nœud là, toujours. Ouais. Pour vous avoir vu sur scène les François Ier à la Guinguette de Blois il y a peu de temps, et avoir vu les Roadrunners il y a un peu plus longtemps, une trentaine d'années, j'ai eu l'impression et le grand plaisir de retrouver la même chose, c'est-à-dire un mélange d'euphorie et d'exigence, de lâcher prise et de rigueur. Comment on trouve l'équilibre entre les deux ? Parce que si ça penche plus d'un côté ou de l'autre, ça peut être moins bien. Alors, oui, la rigueur, c'est vrai que j'avoue que j'ai toujours été un peu chiant à ce niveau-là, je suis très exigeant. L'harmonie, il y a une harmonie humaine naturelle qui est très agréable dans le groupe. Et puis, on essaie de pas donner dans le... Enfin, parce qu'on reprend, évidemment, on reprend quelques titres des Roadrunners, c'est Fixed Up. Et puis c'est vrai qu'on fait la même musique qu'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Mais on essaie de pas donner dans la nostalgie ou le pathos, machin. On essaie de garder la même vivacité, la même énergie qu'on avait, même si ça semble difficile, qu'on avait il y a 30 ans, quoi. Pas faire un groupe de vieux qui font du rock, ça serait pas marrant, quoi. C'était l'écueil, c'est-à-dire que quand vous avez formé le groupe, vous vous êtes posé la question à dire faut pas que ça fasse les vieilles gloires qui reviennent. Alors je peux te garantir que de l'autre côté ça fait pas ça du tout, mais est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que ça vous a fait un peu flipper ça ? Mais carrément, bien sûr, évidemment. Mais bon, on sentait bien, enfin ouais. Mais moi connaissant le bas, et puis enfin on savait que bon, on n'allait pas faire un truc de vieux crouton quand même, quoi. Et puis moi j'ai vu des jeunes, quoi, qui sont venus au concert et qui ont pris vraiment du plaisir. Ça, et nous aussi, donc du coup, on se dit ah quand même, ça va, on n'est pas complètement largué. You want to feel a brand new sensation. You need some supersonic vibrations. Sipping the Luda, you got it to the beat. Yeah. Le concert des François 1er, il y a quelques jours de cela, il y a une semaine à Blois, a tenu ses promesses. C'était vraiment très très bien, les François 1er. Pourquoi les François 1er? Parce que François 1er, c'est lui qui a créé la ville du Havre. Et ce super groupe vient du Havre, d'abord composé de François Lebas, qu'on vient d'entendre chanter à l'instant avec son groupe Fixed Up. C'était à la fin des années 80, avec ce morceau qu'ils reprennent sur scène, avec cette ligne de basse absolument imparable. Ça s'appelait Who is Innocent, c'est ce qu'on appelle un tube. Et puis juste avant, c'était les Roadrunners, avec l'autre co-leader de ce fantastique groupe, qui est les François 1er et qui est Frandol, avec le morceau qui s'appelait Let It Beep. Vous remarquez l'humour du monsieur, et bien il en est cet humour, et les chansons de Frandol, des Roadrunners, de Frandol en solo et tout, en est constellé. Et donc on retrouve Frandol en interview dans On The Rocks, dans cette émission spéciale ce soir, pour nous parler donc de cette association des François 1er. Tu le côtoyais à l'époque de Fixed Up? Vous vous connaissiez ou pas? Bah, bizarrement non. Au contraire, c'était même plutôt, on était plutôt deux groupes concurrents entre guillemets, quoi. Ouais. Non, j'exagère, mais bon, ils faisaient du Rhythm and Blues, c'était mieux, nous aussi, d'une certaine façon, mais on n'était pas plus potes que ça, quoi. Et on l'est devenu, par contre, c'est un des meilleurs potes maintenant. Alors bon, je disais, il y a deux monarques, hein. Il y a deux François. Des co-régions. Quel est le système démocratique dans ce groupe? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est démocratique ou est-ce que tu peux le dire, il n'est pas là, François Lebas? Est-ce que c'est toi qui en tout cas, le fonctionnement du groupe, on essaie vraiment de tout le monde a son mot à dire. Pour ce qui est de la composition des morceaux, oui, c'est vrai que c'est Francesco et moi. Bon. Mais on désespère pas, que les autres aussi. Écrire un titre ou deux, il y aura les questions sur le prochain, enfin sur l'album, sur l'hypothétique album que Cyril, qui est notre mandoliniste et tambourine man, sa fraise. il a fait un petit morceau surf là, qui est un petit instrumental que je verrai bien sur le disque. Ouais. Justement, on parle du disque. Après vous avoir vu à la guinguette, il y a eu une frustration derrière parce que c'était tellement bien. On attendait l'album et pour l'instant on a quelques titres qui sont vraiment bien, mais l'album, qu'est-ce qui se passe-t-il? Notre projet là, c'était de sortir vraiment d'abord dans un premier temps 4 45 tours vinyle, une espèce de, je sais pas si ça se dit, quadriptyque, quadrilogie. En même temps, je pense à triptyque parce que les pochettes se suivent aussi, les enfants naissaient. Enfin, bon, ouais. Et donc c'était ça, déjà dans un premier temps, sortir ces 4,45 avec tous les problèmes qu'il y a eu de Covid, etc. Ça a pris un temps fou en fait. Le morceau que j'ai terminé de masteriser avant-hier, on l'a enregistré il y a 4 ans, quoi, tu vois. 3 ans, je sais pas, j'ai peut-être des conneries. Enfin bon, voilà, c'est super long. Mais ça y est, là maintenant on attaque, on a nos 4,45. Là on va pouvoir s'attaquer à l'album. Voilà. Use the tide with the dance macabre. Where our lucidity and candor. Now it's time to put up candelabras. With the tongue of the salamander, you're waiting for the Renaissance man. You're waiting for the Renaissance man. Waiting for the Renaissance man. It's time to start all over again. Where is the Renaissance man? You're talking about this generation. You need a doctor of resurrection. The golden of the light's burning. The Renaissance Man is a long time coming. Waiting for the Renaissance Man. Waiting for the Renaissance Man. Waiting for the Renaissance Man. Run down, run down, find out what's wrong. macabre. Where are lucidity and candor? Now it's time to put our candelabras with the tongue goddess and Amanda. Waiting for the men's of men, waiting for the men's of men. We start to start all over again. Well, it's the runners of men. Frandol en 2023, c'est ça, c'est les François 1er, c'est ce morceau Renaissance Man. Alors si vous trouvez que ça ressemble aux Roadrunners, bah, c'est plutôt un compliment. Ils n'ont pas sorti beaucoup de morceaux, l'album comme il le disait est en route mais n'est pas encore là. Il y a quelques compos et puis des reprises comme celle-ci dont on parle maintenant dans The Rocks. Si j'envoie le morceau, c'est beaucoup mieux. C'est parti. Concrètement, qui est-ce qui a ramené le morceau des Sonny Boys, Alone With You, que tu chantes ? Alors, c'est assez marrant parce qu'on connaissait tous ce morceau-là. Ah ouais. Au Havre, il y a une connexion avec le rock australien, comme à Orléans d'ailleurs un peu. Hein, je sais qu'il y a... donc, c'est marrant parce qu'on connaissait tous ce morceau-là. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est un morceau très super mélodieux, évident. Pourquoi pas le reprendre ? Oui, voilà. Je me suis dit, ça pourrait nous coller, ça. Ouais. Donc on l'a fait. Donc voilà. J'ai appris qu'il s'était reformé aussi peu de temps après qu'on ait sorti le 45. J'ai vu qu'il y avait. Parce que Riff Rebs, qui est dessinateur, un dessinateur à vrai, gros fan de rock australien, il était en Australie quand les Sonny Boys ont joué. Donc c'était assez marrant. Bref, voilà, oui, Sonny Boys, groupe méconnu, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un bon groupe. We'll be right back. C'était toujours les François 1er et Frandol en tête d'affiche sur ce morceau avec le All On With You des Sonny Boys, donc reprise d'un groupe assez obscur mais que je vous conseille d'aller écouter. Et cette reprise est assez fidèle à l'original avec un petit peu plus de pêche en plus et ça leur va vraiment très très bien. Et puis oui, eh bien oui, ça fait un peu penser aux Roadrunners tout ça. Eh ben c'est normal parce que Frandol c'était les Roadrunners. Est-ce que tu as retrouvé, alors tu n'as jamais arrêté de jouer, tu as sorti des projets différents, mais est-ce que là, en jouant avec le François 1er, tu as retrouvé des sensations de scénique, on va en parler du studio après, mais des Roadrunners. Est-ce que tu as retrouvé des choses Ah oui, totalement, oui, bien sûr. Ouais. Et puis c'est vraiment agréable aussi de se sentir vraiment épaulé, parce que moi, dans les Roadrunners, je chantais tout. Enfin, bon, là, je peux, tu vois, me mettre de côté, j'adore ça, me mettre de côté, et puis me concentrer un peu sur la guitare, je trouve ça super, quoi. C'est agréable, vraiment. On va parler de la guitare, justement. B.B. King avait Lucille, toi t'as Justine, qui est une guitare qui, je crois, te suit depuis très longtemps et qui est, comme beaucoup de musiciens, un peu plus qu'une guitare. Est-ce que ça t'arrive de faire des concerts sans elle? Et si tu fais des concerts sans elle, est-ce que ce sont les mêmes concerts? Non, absolument pas. Non, c'est vraiment le prolongement de mon bras, cette guitare-là. Je crois pas dans ma vie que j'ai fait j'ai dû faire peut-être une fois un concert parce que, sans elle, mais parce que... Vraiment, je pouvais pas faire autrement. Mais non, tous les concerts, elle est là. Et d'ailleurs, c'est le dernier titre qu'on a écrit, s'appelle Justine, c'est sur elle, justement. D'accord. Donc tu la protèges comme la prunelle de tes yeux, j'imagine. Complètement, bah oui. Je l'ai depuis 81, cette guitare-là. Ouais. Et c'est une magnifique vieille dame de 72, qui est une Telecaster Thin Line, c'est-à-dire qu'elle est quart de caisse, elle est creusée... un quart de la caisse est creusée et voilà un son. Enfin moi, c'est ma guitare quoi. C'est voilà. Je crois même que tu as utilisé son. Oui. Ouais. Oui. En fait, ça nous a. Ouais, mais François aussi joue sur Thin Line. Donc cette oui, c'est le... pour le teasing, le teaser de ouais. Des morceaux, oui. C'est elle qu'on voit quoi. Bah ouais, parce que enfin c'est elle, mais c'est le F Louis. F-hole en anglais, c'est F, le trou F, hein, le F-hole, c'est donc l'ouïe. Puis j'aime bien aussi le côté oui, tu vois. Donc évidemment, bah oui, c'est devenu un peu notre symbole, quoi, le F, mais c'est l'ouïe de la guitare. We'll be right back. mais j'avoue, j'aurais aimé un peu plus de morceaux des Roadrunners dans le set des François 1er. Mais j'en ai eu un quand même, un morceau. J'ai eu ce morceau qu'on vient d'entendre à l'instant, Saturation Point, qu'ils reprennent à la fin, juste avant les rappels. Et ils le font vraiment très très bien. Et on retrouve donc le leader des Roadrunners et des François 1er, le co-leader des François 1er avec François Lebas. C'est Frandol et c'est maintenant. Alors si on parle des compositions, il y a quelque chose qui, à mon avis, vous relie François Lebas et toi. Il y avait ça aussi dans les fix-up et évidemment dans les Roadrunners, c'est les riffs. C'est qu'il y a des tourneries autour de riffs. Ça a toujours été très efficace. J'ai écouté mon album favori qui pour moi est un album parfait des Roadrunners. Des albums parfaits, c'est pas si courant. Qui est Bizarre Rendez-vous, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu dans les compos. Quand on trouve un riff, quand tu tombes sur le riff et que ça commence à tourner, est-ce que tu peux essayer de décrire la sensation que ça te fait? Ouais, c'est très spécial. On peut très bien composer un morceau à partir d'un riff. Je pense que les Beatles se sont pas gênés pour le faire. On n'est pas les Beatles, évidemment, mais ça m'arrive de partir d'un riff de guitare. Mais pas toujours. Moi ce qui m'émeut le plus, c'est une suite d'accords. Quand je trouve une suite d'accords, que j'ai l'impression de ne pas avoir. Inédit. C'est-à-dire qu'avec la mélodie qui se grave dessus, là, j'ai un truc. Je sens que. Ça, j'aime. Là, je valide. Enfin, tu vois, c'est difficile à expliquer. Et des fois, je greffe le riff sur cette série d'accords. Hein. Mais par exemple, pour Justine, je suis parti vraiment sur un riff de guitare. Je suis parti sur un riff de guitare, un riff de guitare. Et je ne peux pas le faire ailleurs sur la guitare. Je peux faire que là. Et j'ai pas envie de mettre de capodas, ça n'irait pas. Le problème, c'est que après j'ai fait la chanson autour du riff de guitare, mais chez moi, assis, tu vois, j'ai chanté, et je me suis rendu compte qu'en fait, ma voix, elle n'était pas à son maximum, elle était je chante, en fait, si le riff de guitare avait été composé un ton et demi ou deux tons au-dessus, ma voix serait passée mieux. Bon, tant pis, c'est comme ça. Là, exactement. Alors que généralement, je fais, si j'ai un bon rythme et que la chanson, je m'en fous, c'est la voix qui prime. Mais là comme c'est Justine qui a gagné, exactement. C'est exactement ça. Exactement. Tu la traites vraiment bien. Yeah. morceau gravé en studio par les François 1er, c'était Franciscopolis. Et bah oui, la ville des François, c'est Le Havre. Et ce morceau, vous pouvez le retrouver sur scène dans les concerts de François 1er, que je vous conseille vraiment fortement. Et puis de vous replonger dans toute la discographie de Frandol et dans cette interview. Autre constante chez toi, qui saute peut-être moins, alors le côté bête de scène, guitare, ça on le voit vite, c'est les mots. T'as toujours aimé les mots, et c'est pas toujours le cas dans les groupes. On sent que les mots, des fois, ça arrive et ça bouche les trous, quoi. Toi, faut que ça sonne, il faut que c'est du sens. Il y a de l'humour. En anglais, en français, ou entre les deux, comme sur Bizarre Rendez-vous. Là, quand on parle des mots, est-ce qu'on parle de fulgurance, comme peut être un riff parfois, ou est-ce que là, c'est de la sueur? C'est de la sueur, et rien que de la sueur, vraiment du travail. Je peux mettre... parce que j'ai aussi fait des trucs en français, et là je me suis passé un temps de fou. Oui, non, c'est vraiment du travail. Bon. Mais c'est quand même plus difficile en français qu'en anglais. En anglais, bon, on peut. Enfin. Il faut évidemment que ça. Il y a plein d'écueils, il y a plein de problèmes en anglais. L'accent tonique, que tu écris un truc, tu te rends compte, ben non, et non, tu peux pas dire ça comme ça. Enfin bon, c'est. Et oui, non, mais les textes, c'est ultra important. Je ne comprends pas les artistes du groupe qui n'attachent pas d'importance au texte. C'est évident. Enfin. Ou alors, oui, quand c'est très naïf, volontairement, second degré, tu peux faire un truc très simple. Bon. Mais oui, non, mais bien sûr que les textes. Mais on sent que c'est important pour toi d'avoir un angle sur la chanson, d'avoir un angle qui va un peu déstabiliser ou qui est un peu du inédit ou quoi. Absolument. T'as tout résumé. L'angle, le cadre, un sujet, et puis faut que tout se réponde. Ouais. Voilà, tac, tac, tac, tac. With a risk of pain. Ce Deluxe Break Break figure sur l'album Bizarre Rendez-vous, dont le morceau, enfin le morceau donne le nom à l'album. C'est un album des Roadrunners qui est sorti à la fin des années 90 et qui pour moi est un album parfait. Et qui avant Frandol avait eu cette idée de prendre tous les mots français utilisés en Angleterre et à les mettre dans une chanson par un groupe français qui chante en anglais. Très très bien vu. Bah voilà, c'était absolument réjouissant et tout l'album est comme ça. Un album qui avait été produit par le producteur des Plimsolls qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission et je vous en reparlerai. Pour l'instant, on retrouve donc Frandol dans les coulisses de ce petit festival qui avait lieu à côté de Blois, organisé par les fabuleux Roxette. Et Frandol ne se confie pas souvent, n'aime pas beaucoup les interviews, mais quand il le fait, il ne le fait pas à moitié. Tendez l'oreille, c'est ce qui s'appelle un moment, un grand moment. Alors, en parlant de cadre et d'éclairage, j'ai lu la dédicace fort sympathique que tu m'as faite dans ton bouquin, là. Excellent ouvrage, ça a l'air très très bien sur l'enfance de John Lennon. Et tu dis, alors je sais plus, tout part d'un manque, c'est ça? Du manque peut naître la note. Alors, c'est assez marrant parce que, là, on parlait de cadre et de lumière. Donc, tout a commencé pour moi en juin 74, donc il y a 50 ans. Je vois au-dessus de la porte de ma chambre, enfin, entourant la porte de ma chambre, un ray de lumière, inhabituel, totalement inhabituel dans la nuit. Donc il y avait la lumière dans le couloir, c'était pas normal. J'avais peut-être un petit réveil, je me souviens plus, très tard. J'ouvre la porte, et en fait il y avait de l'agitation, et mon père était mort. Non. J'avais 9 ans. Évidemment, t'imagines le séisme. Je sais pas, 3-4 jours après, par hasard, ma mère, enfin dans la cuisine, ou je sais plus où, j'entends Yellow Submarine, des Beatles. J'avais 9 ans. Oui, quelques jours après. Ouais. J'avais 9 ans et moi, je voulais être marin quand j'étais petit. Tu vois, c'était la mer. Et là, Yellow Submarine, oh, putain, tout génial, c'est super ça. Oh, bah alors là, avec les bruits de. Et puis, je sais pas, même si c'est Ringo qui chante, la mélodie, ça me touche. Puis ma mère, a eu le malheur de m'acheter une compilation qui s'appelle Oldies But Goldies. Et là, je me suis... Alors, boîte de sauvetage, plus que ça. Enfin, c'était vraiment un perdant emplacement, quoi. Je me suis enfoui là-dedans. Tous les jours, tout le temps, j'avais un petit tourne-disque orange, un manche-disque. Hein. Et j'écoutais ça en boucle. J'ai un copain en premier étage qui avait une compile, la fameuse compile rouge que tu connais aussi. D'ailleurs, je me suis dit, mais merde, c'est bizarre, il y a les mêmes titres que sur mon disque. Je savais pas qu'à l'époque, évidemment, on pouvait retrouver des titres sur des compilations. Et donc, chaque mois, je me jetais un disque des Beatles. Voilà. Et j'ai découvert vraiment le rock'n'roll comme ça, quoi. Et puis l'harmonie, quoi. Parce que moi, pour les moins, les Beatles, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, c'est pas un fin mot, hein. L'harmonie, c'est magique. Et moi, je crois en l'harmonie, vraiment, quoi. Ouais, de plus en plus. Alors, si j'aimerais bien un truc que je pourrais croire, c'est l'harmonie. Voilà. Donc voilà, Beatles. Je n'ai pas exagéré de dire que la musique t'a sauvé la vie, un peu, quoi. Oh mais complètement, ouais, complètement. Bah, après, le mode de vie, tu penses bien de... Bah, tu sais, enfin, le mode de vie du rocker de base, bon, c'est pas toujours très bon pour la santé non plus. Bon, maintenant, c'est bon, hein, on s'est calmé, mais oui, bien sûr que ça m'a sauvé la vie, complètement, ouais. This is C'était évidemment le Hey Bulldog des Beatles, un des titres les plus injustement méconnus des quatre de Liverpool qui avait été repris par les Roadrunners. C'était sur leur avant-dernier album qui s'appelait Instant Trouble. Ils le reprennent vraiment très très bien, un peu plus serré, un peu plus péchu, mais ça leur va vraiment vraiment super bien. On va continuer ce soir l'interview de Frandol, donc ex-Roadrunners et actuel François 1er avec le grand François Lebas de Fixed Up. On les retrouve, enfin on le retrouve en interview, c'est maintenant, et nous parler de cette révélation très intime, de ce ray de lumière autour de la porte qui avait signifié la mort de son père alors qu'il avait 9 ans, eh bien j'ose lui en reparler. Sans rentrer trop dans l'intimité, mais est-ce que ce ray de lumière de la porte, est-ce que tu as essayé de t'en débarrasser ou est-ce que, au contraire, tu le chéris pour ton art ? Alors, plus que ça, j'en ai fait le premier titre de Roadrunner, ça s'appelle Behind the Door. Voilà, mais évidemment... Bah pour s'en débarrasser, pour exorciser, pour en parler aussi, pour en parler, mais pour en parler en même temps, c'est des métaphores. Enfin, moi j'ai découvert la métaphore avec la poésie, non, mais avec le blues aussi, hein, pour tu vois, façon de, tu dis un truc, mais tu sais pas ce que c'est pas ce que ça veut dire. J'allais pas par pudeur, tu vois, étaler ça, j'ai jamais supporté. Enfin, j'aime faire la différence entre pour en parler et pour que tout le monde comprenne. C'est pas la même chose. C'est ça. Mais moi, voilà, c'est ça. Moi, je voulais pas spécialement que tout le monde comprenne. C'était une façon d'exorciser, je te dis, de sortir, d'évacuer le truc. François 1er sont ce soir dans The Rock, c'était Glamorize Me, un morceau enregistré par les François 1er, chanté plutôt par François Lebas cette fois. Et puis juste avant, c'était les Roadrunners avec Behind the Door. On retrouve Frandol. Tous les morceaux qu'on s'est passés quasiment, à part Deluxe Breaker Break, qui était un petit mélange des deux, sont des morceaux en anglais, la langue principalement utilisé par Frandol avec ses groupes, mais lorsqu'il est en solo et pour ses deux albums solo, il a enregistré en français et également pour le dernier album des Roadrunners qui avait eu un énorme succès à l'époque. Eh bien, on va parler de cette langue française qui le titille, qui le chatouille à mon avis, et qui reviendra. C'est parti, c'est dans The Rocks, émission spéciale Frandol ce soir. Et du coup, le titre était en anglais. J'imagine qu'il y a un peu plus d'intime en français. Est-ce que t'as la même charge émotionnelle lorsque tu écris en anglais ou en français? Émotionnelle, hein, je parle pas de la sueur de travail. Hein, de... Non, la charge émotionnelle est plus importante en français. Hein. Mais en français, moi, j'ai toujours écrit encore plus. Vraiment, tu as vraiment à double sens, voire triple sens, marqué par le mouvement lipo. Donc j'ai jamais vraiment parlé de. Puis aussi ce côté un peu peut-être un peu pudique qui fait que non, je prends. En tout cas, j'ai toujours caché des trucs, ça c'est sûr. Dans toutes les chansons, j'ai caché des trucs. Ouais, y a de la contrebande. Ah oui, il y a de la contrebande. Tu m'as jeté, c'est bon des bras. Tu m'as jeté, on savait dès le début qu'on s'enlacerait, toi et moi. Tu m'as jeté, tu m'as plu, je ne t'ai plus. Tu m'as jeté, bon débat. Toi et moi, on se retrouve là contre l'autre. On se retrouve là contre l'autre, là contre l'autre. On sait. Vite aimer sans rien dire, fini par se voir pour rire. Et puis la nuit s'est installée. Et là on a osé, avec toi j'ai tout fait. On s'est aimé sans rien dire, fini par se voir pour rire. Et puis l'ennui s'est installée. Avec toi, j'ai tout fait. On se retrouve là contre l'autre. On se retrouve là contre l'autre. Là contre l'autre. sans rien dire. On s'évite, mais sans rien dire. Tu m'as, je t'ai, tu m'as plu, je t'ai plu. Tu m'as, je t'ai, tu m'as plu, je t'ai plu. On se retrouve là contre l'autre. It's Frandol sur sa version langue de Molière avec L'Incontrôlable tiré de son premier album solo après les Roadrunners. Et puis sur le dernier album en date des Roadrunners, c'était Macadam River, morceau qui avait eu un certain succès. L'album s'appelait Sal Figures. Et ben voilà, tout est fréquentable chez les Roadrunners. On continue avec l'interview de Frandol et un petit morceau des François 1er juste derrière. Avec François Lebas, alors on voit ce qui vous rassemble, surtout qu'on le voit bien sur scène, la complémentarité. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors toi, apparemment, ça va mieux, mais t'es assez contrôle fric et assez exigeant. Ouais. C'est la même chose pour lui, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous différencient? Non, il est exigeant aussi, François. Il y a pas de. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, François Lebas, bah ouais. Déjà, enfin, bon, musicalement, on écoute vraiment, vraiment beaucoup. On a énormément de trucs en commun, quoi. C'est assez dingue. Bah, ce qui nous différencie, déjà au niveau de son son de guitare, hein, il a un son de guitare beaucoup plus rugueux, tu vois, plus saturé, il vient plus du punk rock quand même. Voilà, moi je viens plus de power pop, puis les Beatles, donc on essaie de différencier les sons pour que justement ce soit complémentaire, pas qu'on faut pas faire les deux foutre. Okay. Si on avait le même son de guitare, ce serait pas très intéressant. François, c'est RTE aussi. Bon, même, je parle beaucoup plus, mais quoi qu'il s'est soigné quand même. Il parle vachement plus qu'avant. C'est un type d'une élégance incroyable. Le bas, moi, je connais peu de gens comme ça, vraiment honnêtement. Hein, c'est gentillesse. Non, vraiment, il christique ce mec. Donc, il y a une supercherie, c'est pas un roi, c'est un prince. Ah oui. Buzzing around in seaports, c'était Space Time avec les François 1er à l'instant, tiré de leur pas premier album, puisqu'il n'est pas sorti, mais on l'attend avec impatience. On retourne avec Frandol et cette interview. Donc Frandol, les Plimsolls, groupe dont je suis absolument fanatique, eh bien les Plimsolls avaient un producteur, et ce producteur un soir a vu jouer de la bouche même de Frandol, et que m'a rapporté François Pedro, que je salue et merci pour son soutien sur cette interview, eh bien et de François Pedro, vous savez, de Mean Circle, fabuleux groupe. Eh bien, le producteur des Plimsolls s'est déboulé dans la loge en disant « Les gars, vous êtes meilleurs que les Plimsolls ?» Alors, on leur a dit « Mais il n'y a pas de meilleurs que les Plimsolls. » Et le producteur a dit « Bah, je peux vous le dire, puisque moi, je suis leur producteur et je vais produire votre prochain album. » Ce qu'il a fait, c'était l'album « Bizarre Rendez-vous ». Alors voilà, ça a un peu mal vieilli, la production, mais en tout cas, c'était un sacré compliment. On retrouve donc Frandol, et on se passera ensuite, d'ailleurs, un morceau des Plimsolls et un morceau de cet album qui s'appelait « Bizarre Rendez-vous » et qui est mon album chouchou des Roadrunners. J'ai cru entendre à une époque, alors parce que t'as devant toi un fan des Beatles, des Roadrunners et de Bruce Springsteen absolu, que la discographie des Roadrunners avait atterri dans l'iPod de Bruce Springsteen. T'as entendu ça ou pas? Oui, bah, histoire vraie, c'est totalement incroyable. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que Bruce Springsteen jouait en France, je sais plus où c'était, enfin bref, et une semaine après, notre boîte de disques reçoit un coup de fil de la boîte de disques de Springsteen, Columbia, je crois. Et il voulait tous les 10 euros d'ordonnance. Alors évidemment, moi, c'est quoi cette connerie? Mais si, c'est vrai. Donc c'était la boucherie, donc il disait ça. Et après, j'ai compris, en fait, je me suis dit, bah, ok, d'accord. Il a un pote qui est Elliot Murphy. Ouais. Et Elliot Murphy, c'est un vieux pote d'enfance, du New Jersey aussi. Et à mon avis, je pense que c'est par ce biais-là. Et à l'époque, on passait pas mal à la télé dans des le clip et tout sur la 6. Peut-être que il était avec Elliot Murphy quand le morceau est passé, puis Elliot Murphy, ah, I know them, they're from the Havre, etc. Tu vois, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais on ne saura jamais en fait. Enfin, c'est rigolo quoi. Ouais. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et ça c'est assez intime aussi, c'est ta voix. On a parlé de tes textes, on a parlé de la guitare, on a parlé de Justine, mais ta voix, c'est pas si courant non plus, c'est une voix qui est reconnaissable immédiatement. Quelle relation t'as avec ta voix? C'est secondaire pour toi? Tu l'entretiens? Tu t'as évolué dans ta façon de chanter? Bah, c'est un petit peu comme la relation que j'ai avec mon pancréas, si tu veux. Voilà. C'était la question suivante. Quelle relation as-tu avec ton intestin grêle? C'est difficile. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris. Ouais, au début, je me souviens que je détestais. Enfin, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui n'aiment pas s'entendre enregistrer, par exemple. Non, maintenant, ça va. Enfin, je suis à la limite peut-être même plus chanteur que guitariste. Je sais pas. Enfin, si, je suis peut-être plus chanteur que guitariste. Oui. Je sais quand ça va. Je m'enregistre moi-même. C'est nous. Enfin, je produis les disques, donc je sais. Je fais toujours une prise de voix. J'ai pas. Par contre, si ça merde, une. Ouais. Après, si je sens qu'il y a un truc, j'aurais peut-être pu, mais en général, non, pourquoi? Enfin, tu vois, non. Non. Après, si, y a des, si je fais relire, si je fais écouter à une anglaise ou un anglais, you can say that, man. Ok, sorry. Bon, bah oui, je reprends. Mais bon. Mais le rapport à la voix, c'est très bizarre. En tout cas, les voix, évidemment, marquées par les Beatles, c'est vachement ça. Je les fais chier avec ça, mais alors, ils en ont marre. Non, mais c'est toujours sympa, les harmonies à trois voix. C'est, voilà. Ouais. I often dream of trains when I'm alone. I ride on them into another song. I dream of them constantly. Hey! Or Basingstoke, or Reading. I often dream of trains when I'm away. They ride along beside a frozen lane. And there in the perfect call, I wait for eternity. Or Basingstoke, or Reading. I often dream of trains through the jet's light. The sun, it turns to winter overnight. The leaves fall so suddenly. The sun sets at 4 o'clock. exactly what I'm dreading. I often dream of planes when I'm with you. I wonder if you dream about them. Avec I Often Dream of Trains, tiré de l'album Bizarre Rendez-vous. Et puis à l'instant, les Plimsolls, évidemment incontournable, avec la fabuleuse voix de Peter Case et la guitare d'Eddie Munoz. Vous pouvez aller vous balader sur le site ontherocks.net dans les archives des interviews et des émissions spéciales, comme celle que vous êtes en train d'écouter sur Frandol. Eh bien, il y a une émission spéciale Eddie Munoz avec une belle interview et on repasse les Plimsolls en revue. C'était donc The Oldest Story in the World. On va bientôt se diffuser, là, maintenant, tout de suite, la dernière partie de l'interview de Frandol. J'en profite profite pour remercier énormément Frandol pour sa disponibilité. Je sais que c'est pas son truc, et là vraiment il l'a fait avec plaisir, je crois. Donc ça a été un plaisir partagé pour moi d'interviewer ce grand monsieur du rock. Et puis merci surtout à Christophe Arondeau et à Roxette Blois, et à Christophe en particulier, qui m'a permis de faire cette rencontre. Merci mille fois à Christophe, vraiment on peut compter sur toi. Et puis voilà, hein, Roxette Blois, Studio Zef, tout ça, allez-y, courez. Et puis un petit coucou à Duduche, grande fan des Plimsolls et des Roadrunners, surtout de Frandol devant l'Éternel. Et puis un gros béco à François Pedro des Mine Circle qui a écouté ce soir et qui a fait la propagande de cette émission déjà sur internet. On retrouve donc Frandol pour la dernière partie de l'interview. C'était à Blois dans le festival Rock'n'Roll organisé par Roxette d'il y a quelques jours, et on retrouve donc Frandol maintenant. Est-ce que tes enfants écoutent ta musique? Alors c'est très marrant parce que j'ai trois gamins formidables. Donc un de 26 ans qui fête son anniversaire ce soir, d'ailleurs il va ruiner la baraque à tous les coups. Une Violette qui a 20 ans et Lou, petit dernier, qui a 13 ans. Et tous les trois, écoutent la musique. Mais alors quand on part en vacances et que ma douce et tendre met un morceau de moi ou de Roadrunners ou de François 1er ou de qui que ce soit, je ne supporte pas. Je dis arrête, ça coupe ça tout de suite. Je n'aime pas du tout écouter les trucs qu'on a. Pour moi, c'est fait, quoi. C'est bon. Mais oui, eux, oui. On a joué la semaine dernière à Barfleur et ils sont tous venus. C'était très sympa. Je conseille d'écouter le Roadrunners, c'est pas mal. Dernière question. Pour finir, quelle est pour toi la meilleure chanson pour affronter la fin de l'été? Alors, tout confondu, là, ouais. Oh la vache, au moment où je pose la question, il y a un coucher de soleil. Là, c'est un bon timing. Je te dirais pas Here Comes the Sun, parce que j'ai jamais... Alors, mais... Je suis pas fan de Here Comes the Sun, de Beatles. Et puis, de toute façon, là, c'est plutôt... Ouais, un morceau joyeux, un peu crépusculaire. Oh, je sais pas, peut-être un morceau des Cramps. Je sais pas. Le truc, tu vois... Enfin, tu sais, on a un morceau en majeur, mais avec des sons un peu ouais, gloomy. Ouais, morceau d'écran, n'importe lequel. Ça sera diffusé. Merci beaucoup d'avoir pris du temps, et puis merci pour ta musique toutes ces années-là. Ciao. What's that secret you're keeping? There's an old piano and they're playing hard behind the green door. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. I wish you let me in so I can find out what's behind the green door. Door slam. Hospitality's been there. Wonder just what's going on in there. I saw an eyeball peeping through a smoky cloud behind the green door. When I said, Jason, someone laughed out loud behind the green door. We'll be right back. c'était Frandol encore une fois pour clôturer cette émission d'On The Rocks, mais cette fois avec son groupe The Kitchen Men qui ont réalisé un seul album. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette interview d'ores et déjà sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Dans quelques secondes, ça va être la rédarque du sport avec Rémi qui est en face de moi et qui n'est pas encore parti faire une émission en Arabie Saoudite ou au Qatar puisqu'il rachète tout le monde. Ouais, mais non, ils m'ont pas encore contacté, non. Non, ils t'ont débauché, non. Ils t'ont pas proposé encore de. Non, non. Ça va, Manu? Et puis tu resteras là, toi, je veux dire. Oui, moi je suis là, toi. Bah, oui, bon, oui, depuis des années maintenant. Bah oui, c'est ça. Donc je pense qu'on va parler rugby. Ouais, bien sûr, on aura du rugby ce soir, le début du mondial. Et quel match pour démarrer. Ah oui. Et la cérémonie d'ouverture, le poulet, tout ça, on en parle ouais, pas. Ça c'était non un petit peu, ouais, c'était si vous ne pouvez éviter hein, cette partie-là. On va pas en parler. D'accord. Donc ouais, il y aura du rugby, on aura du foot évidemment, on aura du volley en direct aussi puisque c'est la quart de finale de l'Euro et la France joue en ce moment contre D'accord. la Roumanie, donc okay. Il vient d'empocher le premier set. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça démarre bien et puis on aura plein d'autres choses. Voilà, il y a un gros programme encore ce soir. Bon, et donc ben ça sent bon quand même pour l'équipe de France de rugby là quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ça démarre bien. Ça peut aller loin. Ouais, ça promet bien. Ouais. Bon, après voilà, il y aura des il y a un mur sud-africain, mais ça va bien se passer. C'est ça, ouais, c'est du risque en quart, mais on en reparlera évidemment. Bon ben bonne émission, plonge dans la mêlée et c'est à toi. Merci Manu, bonne soirée. Reputation in the neighborhood, got no friends, affection.